C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 5 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Pantoum affronte les Bleus. 12$ à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bob Dylan, Richard Segal, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Carolina Chocolate Drops, Leonard Cohen, Lila Downs, Lisa Leblanc, Tandis Van Zandt, Neil Young, Folk d'Amérique. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumet. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur, au prix plus qu'abordable, pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Lundi le 5 mai 2014, vous êtes à l'émission Les bouquins d'abord. Alors bonjour tout le monde, vous êtes à l'émission Les bouquins d'abord avec René Bolduc au micro et comme à toutes les cinq semaines, Bervel Reinke cède le micro au philosophe et puis je suis en compagnie aujourd'hui d'Émile Grigoroff, bonjour. Bonjour René. Et Oscar Moya. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors on a décidé aujourd'hui de parler de philosophie populaire dans sa version... très, très accessible, plus abordable. On a un Diderot qui, dès le début du 18e siècle, disait ceci: « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. » Et la suite de la citation va comme suit: « Si nous voulons que les philosophes marchent en avant, approchons le peuple du point où en sont les philosophes. » Alors, il y a plein de choses à dire sur ce thème-là. Évidemment, on ne pourra qu'en aborder quelques-uns. La philosophie, c'est vrai qu'elle est présente un peu partout. C'est une bonne chose pour nous, hein? Ici, on est trois professeurs, trois enseignants de philosophie. On a connu des années où parfois on remettait en question l'enseignement même de la philosophie. Et... on a entendu le ministre, notre nouveau ministre de l'Éducation, M. Bolduc, aucun lien de parenté avec moi, qui a dit qu'il fallait préciser ça. Oui, il fallait le préciser. Il faut donner la chance au coureur, hein, qui a déclaré récemment avoir aimé ses cours de philosophie. Alors, c'est vrai qu'elle est présente un petit peu partout. Par exemple, dans le journal Le Devoir, aux deux semaines, il y a les devoirs de philo. Aujourd'hui, dans le journal La Presse, du 5 mai, il y avait un article intitulé « Améliorer votre employabilité grâce à la philosophie ». Wow! Wow, hein? Tu liras ça, Émile. Paraît-il que des employeurs, peut-être pas tous les employeurs, mais on voit très bien, certains voient très bien d'un bon œil la formation en philosophie de certains de leurs employés. Alors, c'est à lire. Il y a aussi des phénomènes comme la philosophie pour enfants. Je pense que ça a été développé par un Américain du nom de Lippmann. Et puis, ici, à Québec même, il y a M. Michel Sasseville qui s'est spécialisé là-dedans. Donc, au menu aujourd'hui, Oscar, tu vas nous parler de... Je vais faire une réflexion historique sur la philosophie populaire. D'accord. Des Grecs jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Oui. Et Émile? Je vais parler de l'idée de l'université populaire en me référant à un livre récemment paru de Michel Onfray, oui. « Rendre la raison populaire ». Oui. Ensuite, je vais parler d'un bouquin publié par Flammarion, dont l'auteur c'est Simon Blackburn, enseignant à Oxford, si je ne me trompe pas, oui, qui introduit, c'est une belle introduction à la philosophie, très accessible, mais au grand problème de la philosophie, il n'épargne aucune question difficile. Oui. Donc, alors, ce sera en deuxième partie d'émission où nous irons un peu avec nos coups de cœur de parution de livres philosophie populaire. Et pour introduire ton sujet, eh bien, de mon côté, juste avant, je parlerai du phénomène des cafés philosophiques. Alors, avant de commencer cette émission, on va aller en musique. Vous êtes de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec René Bolduc au micro. Et aujourd'hui, nous écouterons quelques extraits de musique des Triplettes de Belleville, musique de Ben Charest. Alors, Oscar, tu vas nous parler d'un phénomène de philosophie populaire en Allemagne au 18e siècle, hein, que j'imagine un peu austère. Hein, est-il? Pas du tout austère, en fait. Hein. Je voulais surtout faire une petite réflexion sur cette question-là, parce que effectivement, on a l'impression, à prime abord, que la philosophie populaire est quelque chose qui n'est pas nécessairement très philosophique. Hein. Mm-hmm. On a tendance à penser, en fait, que la philosophie est une question de spécialiste, d'expert, tout à fait, effectivement. Or, il n'en est rien, en fait. Hein? Donc, dans l'histoire de la philosophie, il y a toujours eu un rapport, en fait, entre, si vous voulez, une pensée plus accessible, plus populaire, et une pensée, en fait, plus rigoureuse. La tension se fait déjà sentir chez un présocratique, chez Parménide, par exemple. Hein? Donc, Parménide, c'est un des premiers à avoir fait cette distinction entre l'opinion, qu'il appelait, à l'époque, le mot grec était doxa, et la science, la dogma. Hein? Parménide pensait en fait que c'était deux voies distinctes. Il ne voyait pas de lien entre les deux. Autrement dit, la pensée populaire ne peut pas accéder à la vérité. Hein? Il y a une cloison entre les deux. C'est lui qui va, d'une certaine façon, décloisonner ces deux niveaux. Sera assez étonnamment Platon, mais surtout Socrate, en fait. Hein? Socrate-Platon. Hein? On a la difficulté à aller... Qui est qui, en fait, hein? Ces deux philosophes, en fait, qui vont voir une espèce de continuum. Premièrement, l'opinion n'est pas totalement ignare. Donc, dans la conception de Platon, vous voyez, dans la caverne, on est dans les ombres au fond de la caverne. Mais quand même, ces ombres-là sont une certaine... Hein, ça nous rappelle quelque chose. Hein, si on n'avait pas aucune connaissance, si on était complètement ignare... Complètement c'est idiot. Pas un grand démocrate, nous ne pourrions rien. Non, c'est vrai, c'est mais quand même. Un peu mais au la moins, foule, là, non, tout à fait. Mais quand même, il y voit un passage. Hein, alors que pour Parménide, ces deux choses-là étaient, séparées complètement. Alors évidemment, Socrate discute avec la foule. Il a d'ailleurs pas écrit un mot. Cela, tout à fait. Ouais. Il a d'ailleurs pas écrit un mot. Et ça, c'est significatif. Mm. Hein. Pour lui, la philosophie était quelque chose de vivant. vivant, ça veut dire dans la discussion. Hein? Lorsque la philosophie est dans les universités seulement, est-ce que la philosophie est vivante? Alors, on va se poser la question. Évidemment, il y a une certaine vie philosophique dans les universités, mais j'ai l'impression, en fait, que dans l'histoire, on a compris, en fait, qu'il fallait aussi peut-être sortir la philosophie des universités et, disons, l'amener dans la cité. Hein. C'est un petit peu ça le message, je pense, de Socrate et Platon. Je disais, en fait, que je voulais seulement parler de la populaire philosophie qui, selon Ricoeur, au XVIIIe siècle, est, disons, responsable de la force des universités allemandes. En partie, dit-il, responsable de la force des universités allemandes. En fait, c'était très, très populaire de faire des discussions philosophiques à cette époque, hein, faire des commentaires, hein, sur des questions morales, sur des questions politiques, sur des questions du jour, sur... C'est dans l'âme allemande de vouloir discuter de... choses métaphysiques et... Oui, tout à fait. En fait, il y avait... C'est plus allemand qu'autre chose. Non, mais c'est quand même... Enfin, cet engouement, et ce qu'il faut comprendre, en fait, surtout, c'est que cet engouement avait une répercussion sur la culture. Et ça, c'est pas rien, en fait. Quand la philosophie demeure dans les hauteurs, hein, elle n'a pas nécessairement ce rayonnement qui devrait être, enfin, qui devrait exister. Mm-hmm. Hein? Donc, je pense que il faut voir la philosophie populaire non pas comme quelque chose Ça se passait comment ça? C'était des discussions. Siècle, il y avait même des écrits à cette époque-là. C'était dans les journaux. Il y avait des personnages. D'ailleurs, Kant a contribué à ces discussions. Des personnages, enfin, qui animaient des discussions, où il se trouvait en fait à un moment donné à avoir des écrits qui circulaient, hein, dans la population, sur lesquels donc certaines personnes avec certaines connaissances, évidemment c'était pas nécessairement l'homme de la rue, mais quand même des gens cultivés, des gens qui avaient quelque chose à dire. Alors on discutait de ces choses-là, enfin des discussions intellectuelles, faut dire. Hein. Ouais, ouais. Là c'est peut-être un niveau, comme on pourrait dire au Québec, une coche au-dessus en fait de cette discussion qu'on pourrait imaginer entre Socrate et l'homme ordinaire. Ouais. Voilà. Donc, c'était simplement pour dire que je pense en fait que la philosophie populaire a toujours existé. Oui. Qu'il ne faut pas la voir comme quelque chose d'inférieur, hein, mais comme quelque chose en fait qui a une incidence tout à fait forte sur la culture humaine. Alors évidemment, moi je suis pour la philosophie populaire, hein. Évidemment, comme aussi je suis pour la philosophie rigoureuse, la fameuse philosophie comme science rigoureuse de Husserl, je suis pour les spécialistes. Mais il faut quand même que, de temps en temps, elle rayonne dans la cité. Voilà. Merci beaucoup, Oscar. Ça va me permettre de faire un lien avec les cafés philosophiques. On va écouter un autre extrait des Triplettes de Belleville et on vous revient. Alors, c'est les bouquins d'abord en compagnie de René Bolduc et puis après Oscar qui nous a parlé de la philosophie populaire en Allemagne, mais aussi hein, dans la Grèce antique et ailleurs. Ça va me permettre aussi de parler du phénomène des cafés philosophiques qui... Mais je veux quand même revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que je m'étais demandé au début, mais est-ce que c'est un débat entre la philosophie, disons, savante et plus populaire? Mais je pense que c'est un faux débat aussi, oui, de vouloir essayer, parce qu'il y a aussi de grands philosophes reconnus comme Épicure ou Épictète, et qui sont, je pense aussi aux stoïciens, romains, et qui sont très lisibles, très accessibles. Hein. Ce n'est pas des trucs hermétiques et complètement abstraits. Hein, tout ce qu'on appelle la fameuse sagesse de vie, hein. Ce sont des gens accessibles. Ils veulent être compris par... Hein? On pourrait dire que c'est un peu comme la médecine générale et la médecine de spécialiste. Bon, on a besoin parfois du spécialiste, parfois des généralistes. Mais il faut quand même se méfier aussi. C'est pas parce qu'on voit le mot philosophie quelque part que tout à coup, je veux pas nommer, disons, de mouvements précis, mais parfois, ça commence à être un peu sectaire, hein, si on nous demande de verser une certaine somme mensuelle ou de porter des habits ou de faire des signes, on peut se méfier. Alors, les cafés philosophiques, ben c'est quand même un peu organisé. Hein? Puis, il y a même une date de naissance. Moi, j'avoue tout de suite, là, j'ai pris mes sources d'information dans une source très populaire, dans Wikipédia, tiens. Et puis, on peut même mettre une date de naissance sur les cafés philosophiques. Ça s'est passé en France, à Paris, en décembre 1992, au Café des Phares, place de la Bastille, avec le philosophe Marc Sautet. Marc Sautet, mais oui. Feu Marc Sautet, qui est mort. Oui, relativement jeune, début de la cinquantaine, d'une tumeur au cerveau. Ouais. Et il a signé un ouvrage qui s'appelle « Un café pour Socrate ». Je l'ai lu il y a plusieurs années, là, c'est quand même... Et c'est dans le même ton, hein. Ouais. Et en plus, il avait aussi un cabinet de philosophes, donc il recevait des gens... Ça, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, par contre, là. Des gens qui, au lieu d'aller chez le psychologue, chez le thérapeute, vont... Chez le philosophe. Oui. Ouais. Ouais. Il y a une tradition en France, d'ailleurs, qu'ici, en fait, on ne connaît pas. Hein? Donc, connais-tu des philosophes qui font du cabinet? Je ne pense pas que ça existe. Je pense qu'il y en a quelqu'un à Montréal qui le fait, qui n'a pas une formation en philosophie comme telle, qui est... Qui s'intéresse par lui-même à la philosophie et qui reçoit des gens et leur donne des conseils de lecture. Écoutez, je pense que pour vous, lire Schopenhauer pourrait vous aider. Alors, je me pose la question, est-ce que Schopenhauer peut aider à vivre? Peut-être. Ça, c'est une autre question. On disait Nietzsche, ça nous aide à aimer la flûte. Hein? La flûte? Oui, c'est ça. Il jouait de la flûte, paraît-il. Ah, bon. Bon, parce qu'on sait que c'est pas le philosophe le plus rigolo, ce Schopenhauer. Ouais. Donc, Marc Sautet, c'était tous les dimanches matins à 11h, symbolique, hein, dimanche matin, 11h, c'était aussi l'heure de la messe, hein, comme si la philosophie était venue remplacer l'ancien culte. Et ben voilà, et ça prend quand même des bons animateurs. C'est un peu dirigé, mais en même temps, tu parlais de Socrate tout à l'heure, il s'agit de faire en sorte que le savoir provienne des gens et d'aider les autres aussi à structurer leur propre pensée. Y a peut-être un animateur dans ces cafés philosophiques-là. Les sujets sont peut-être décidés une fois sur place. Il y a quelqu'un qui s'occupe un peu de mener le tout sans imposer sa propre pensée. Hein? Il peut même conclure à la toute fin, faire une synthèse en faisant valoir les meilleurs arguments. Et puis, bien, le Québec n'est pas en reste. Alors ça fait des petits, hein, à travers le monde. Il y a eu des cafés philosophiques au Québec aussi, dans les cégeps, surtout, mais c'est pas toujours dans des écoles ou dans les cafés. Ça peut être dans des bibliothèques, et j'ai même lu que parfois dans des prisons, hein, il y aurait des cafés philosophiques qui sont organisés. Alors, il y a une perte de vigueur un peu là, autour du phénomène des cafés philosophiques. Il y a une espèce de boom là, autour de fin des années 90, années 2000. Mais là, bon, c'est peut-être un peu moins présent ou moins régulier. Il y a toujours, corrigez-moi si je me trompe. Il y a toujours des événements. Il y a au Québec, par exemple, à Québec, à la ville de Québec, il y a quelques groupes de lecture. Alors, ce ne sont pas nécessairement des cafés philosophiques, mais ce sont des cercles de lecture dans lequel on lit un auteur, tout ça. Ouais. Souvent, il y a des gens en fait qui ne sont pas des spécialistes, même pas des philosophes consacrés, mais alors ça fait partie en fait des mouvements populaires qui ont lieu. Oui, je pense à la Société philosophique. Société philosophique de Québec, effectivement. Présidée par un professeur universitaire, mais elle regroupe des gens qui ont des intérêts fort fort différents, pas nécessairement des philosophes professionnels. Oui. Tout à fait. Et justement, tu vas nous parler immédiatement après notre petite pause musicale d'un philosophe professionnel qui s'occupe d'une université populaire. Populaire, oui. Alors, vous êtes à l'émission Les bouquins d'abord, spécial philosophie, et Émile Grigorov va nous parler d'une université populaire, d'abord, et ensuite des dossiers philosophiques de la revue Sciences humaines. Alors, d'abord, l'université populaire, qu'est-ce que c'est? Mais l'université populaire telle que conçue par Michel Onfray, le philosophe le plus médiatisé en France. Faut-il le présenter, Michel Onfray, que j'ai déjà reçu ici même à CKRL il y a quelques années. Donc, il ne faut, oui. faut pas le présenter. Non. Michel Onfray, pour les non-philosophes en France, pour le large public, c'est le philosophe avec P majuscule. Il a écrit un livre contre Freud, il a écrit un traité d'athéologie, il a écrit plein d'ouvrages. Oui, contre tout le monde. Il écrit parfois des éloges. Par exemple, son livre sur Albert Camus, c'est une éloge de la pensée de Camus. Parfois gratuite, je trouve, mais bon, on va parler d'autre chose aujourd'hui. Oui, parlons de son projet d'université populaire. L'université populaire doit répondre aux besoins de résistance, tout le moment politique, dès le début, il l'introduit, contre la configuration postmoderne d'un peuple illettré, et je cite, inculte, entretenu dans l'obscurantisme par le système économique libéral, présenté comme l'horizon indépassable par la droite et la gauche de gouvernement. Ça, c'est une citation de Michel Onfray. De Michel Onfray, de son livre « Rendre la raison populaire ». Bon. Alors, cette configuration, selon lui, amène nécessairement à un oubli. Et c'est l'oubli de nos droits et libertés. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est un projet qui s'inspire des Lumières. C'est un projet inachevé encore. Hein? Inachevé. Les Lumières, faut toujours... Inachevé, mais interrompu. Notamment par la postmodernité. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi, là, la postmodernité. C'est quoi la chute des grands récits, des grandes idéologies? C'est ça. L'absence de vérité, le relativisme. Moi, je ne sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça signifie la postmodernité, mais selon Michel Onfray, elle va de pair avec la dictature du marché. Elle le conditionne en quelque sorte. Bon. C'est la justification idéologique de cette dictature du marché. Donc, ce qui est rompu, c'est le lien de cause à effet entre le savoir et la liberté. Donc, il veut réinitier, si vous voulez, Alors que dans le marché, on a l'impression d'être libre parce qu'on achète, mais... mais on ne l'est pas du tout. Ouais. La première université populaire fut mise en place par Georges de Hermes dans le contexte de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire okay. à la toute fin du 19e. Quand même assez loin. Ouais. Assez loin. Et c'était un projet émancipateur. Donc, comme si le slogan de ce projet était « la raison affranchie ». La raison affranchie. Mais il n'est pas question du nous ou du logos grec, de la raison qui ne fait que contempler les idées. Dans ces projets-là d'université populaire, ce n'est pas qu'une raison théorique. Non, c'est pas une raison théorique. On vise une pratique. C'est une raison enracinée dans la réalité matérielle, c'est-à-dire politique, sociale, économique, et ainsi de suite. C'est une raison engagée en faveur de la vraie démocratie. C'est-à-dire du gouvernement, pour citer la célèbre définition de Lincoln, du peuple pour le peuple, par le peuple. Et en ce sens, l'université populaire est originairement une université philosophique, puisque mettant en valeur la raison. La raison. Mais elle est en même temps anti-autoritaire. Ça va bien avec Onfray, ça. Ça va très bien avec Onfray, mais même si lui-même, il est devenu une autorité en France. Ah, ouais. Quel paradoxe. Ouais, elle est contre les autorités épistémologiques, contre les grandes. Quand on étudie, par exemple, la pensée d'un auteur, on fait face à des arguments et non pas à une autorité. Donc, les grands philosophes ne sont pas infaillibles. Oui. Mais je te poserai une question bien oui. simple, bien naïve. Là, Onfray a repris ce projet-là de ces anciennes universités populaires du début du 20e siècle. Mais aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y présentent? Est-ce qu'on peut être diplômé d'une université populaire ou c'est tout simplement sur une base gratuite et on y va d'abord pour soi et non pas pour aller... est-ce qu'on peut être diplômé d'une université non, populaire? Non, il n'y a pas de diplôme, mais Onfray insiste sur le fait que rendre la raison populaire ne signifie pas rendre la raison infantile. Ok, il est contre la vulgarisation illimitée. Tout au contraire, il croit qu'il faut mettre sur place une pédagogie sérieuse pour que la raison puisse affranchir notamment le peuple. Il faut qu'il soit conscient que la raison est un instrument puissant d'affranchissement. Et la première université populaire, selon Onfray, c'était notamment le jardin d'Épicure. Où tout le monde pouvait venir. C'était même pas uniquement les citoyens libres, là, hein, même les femmes et les esclaves. Absolument, qui l'oppose à l'Académie de Platon, où se formaient les élites. Et qui, en fin de compte, les élites qui formaient ensuite le gouvernement oligarchique. Dans le jardin d'Épicure, c'était vraiment le peuple. Okay. Alors, écoute, Émile, pour ton dossier philosophique des sciences humaines, tu vas peut-être nous en glisser un petit mot tout à l'heure, immédiatement après la pause, lorsque tu nous parleras du livre de Simon Blackburn. C'est KRL. Québec. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec les Sœurs Boulay, les Hey Babies, les Chercheurs d'or, Alex Nevsky, Patrice Michaud et plusieurs autres. Je te collerai aux fesses comme des shorts. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballée sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne vous sur maisonthaïlandaise.com. Les bouquins d'abord, spécial philosophie, et on va continuer. Alors, juste avant la pause, Émile Grigoroff nous parlait de l'Université populaire. Je voulais lui demander, est-ce qu'ici au Québec, il y a aussi ce pendant-là? Oui, il y a une université populaire qui fonctionne très bien. Si ma mémoire est bonne, elle s'appelle Union des savoirs populaires du Québec. OK. Et c'est un projet conçu par des doctorants à l'Université Laval. Il y a des conférences qui se donnent dans les domaines de quasiment toutes les sciences, toutes les disciplines universitaires. C'est très intéressant. Et j'ai assisté à quelques-unes. Tu me rappelles le nom de... Union des savoirs populaires. Union des savoirs populaires. Alors, j'imagine que ça se trouve... De Québec ou du Québec? Là, je ne suis pas certain. De ou du Québec. Oui. Union des savoirs populaires. Maintenant, alors, pour ce qui est de livres, de littérature, toujours dans le cadre de philosophie populaire, tu veux nous parler d'un livre de Simon Blackburn? Oui. C'est un livre que j'adore. Je vais citer le projet de livre. Il est magnifiquement exposé par lui-même par deux phrases. Le mot même de philosophie est porteur de connotations malheureuses. Dénué de sens pratique, détaché de ce monde, bizarre. Je soupçonne que tous les philosophes et étudiants en philosophie connaissent cet instant de silence, embarrassé, quand quelqu'un nous demande ingénument ce que nous faisons. Pour ma part, je préférerais dire que je m'occupe de génie conceptuel. Ah bon? Alors, ensuite, il développe ce concept de génie conceptuel. C'est quoi le titre? Pensée? Pensée, une irrésistible introduction à la philosophie. Irrésistible introduction à la philosophie. Oui. Bon. Donc, pourquoi génie conceptuel? Mais parce que tout comme l'ingénieur étudie un mécanisme, les éléments de ce mécanisme, les rapports entre ces éléments pour comprendre comment le mécanisme fonctionne, le philosophe fait la même chose avec la pensée. Les éléments, il étudie les éléments de la pensée, les relations entre ces éléments et le mouvement de la pensée. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ingénieur de la pensée. Chacun peut assembler un mécanisme. Moi, par exemple, je suis vraiment maladroit quand il est question de réparer quelque chose à la maison. Mais si je mettais un peu plus d'effort, j'aurais peut-être réussi. Alors, c'est la même chose, nous dit-il. C'est pas quelque chose de compliqué, la philosophie. Il suffit un peu de persévérance, puis ça va aller. On pourrait se fabriquer des appareils conceptuels. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il remet en question cette opposition entre l'homme manuel et l'homme intellectuel. À l'origine de tout, c'est l'esprit. Alors, un ouvrier, mais il met en œuvre son esprit aussi. Ça me fait penser à un roman, oui, justement, qui cadre avec notre sujet d'aujourd'hui, le traité du zen et de l'entretien motocyclettes. Aussi, c'est un livre génial, oui. Ouais. Robert Persick, si ma mémoire. Oui. Donc la même chose, et dans ce livre, il aborde vraiment les questions les plus difficiles dans la philosophie. Une approche. Exemple. Voici, c'est le table de matière assez court. Exemple, la connaissance, Dieu, le moi, que faire. Ce sont les titres des différents chapitres. Et il n'épargne aucune difficulté, parce qu'il veut nous démontrer notamment le mouvement de la pensée et comment, dans ce mouvement, les différents éléments bougent, entrent en des relations dynamiques entre eux. Je suis certain que ce livre, il est accessible à tout le monde, à tout ce qui a l'envie de comprendre le mécanisme de la pensée. Un petit mot sur les grands dossiers de la revue Sciences Humaines? Sur les dossiers philosophiques en cette revue. Parce que je vois que tu en as apporté là, quelques exemplaires ici. À quoi pensent les philosophes, oui, par exemple. Ou bien le dernier numéro de cette revue, c'est notamment L'art de penser, 15 philosophes au banc d'essai. On y va avec les penseurs classiques, les Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Montaigne, Hume, ouais. Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Popper, Bachelard. C'est bon, j'aime bien le mot banc d'essai, parce qu'en réalité, il s'agit, les bancs d'essai sont pour les instruments, les bidules, les téléphones cellulaires. alors, donc, on met le philosophe au banc d'essai, c'est intéressant. On va pour les tester. Pour les tester. OK, on les teste. Puis, évidemment, j'imagine qu'il doit avoir une évaluation. Non, il n'y a pas d'évaluation, mais dans le magazine Protégez-vous, alors c'est on compare. Mais il y a un sujet, okay. qui relie tous les articles. Il y a un enquêteur qui s'appelle Philomène, bien sûr, et qui essaie de comprendre la pensée des grands classiques en philosophie. Ce que j'aime dans les dossiers, je crois que c'est un trait commun de tous les dossiers philosophiques dans les revues françaises. Oui, il y a le Philomag, le Philomagazine, magazine littéraire, Le Point. Oui. Qui font aussi des numéros spéciaux sur la philosophie. Les classiques du libéralisme, par exemple, les classiques des écrits des anciens. La philosophie est très présente dans les revues de vulgarisation scientifique française. Ce que j'ai, le message principal de ces dossiers, c'est que la philosophie vous concerne. Vous en faites, puisque vous vous posez des questions comme, par exemple, faut-il se fier à nos intuitions? Qu'est-ce qu'une guerre juste? Ça, c'est intéressant. Que dois-je faire? Et ainsi de suite. Donc, ils accentuent l'actualité du questionnement philosophique de façon, à mon sens, très pertinente. Voyant tous ces numéros spéciaux, ça me donne le goût de partir avec tous tes magazines et les lire à la maison. Oui. Alors, bien, écoute, je te remercie beaucoup, Émile. On fait une petite pause musicale et on revient avec Oscar. Et vous êtes au Bouquin d'abord en compagnie de René Bolduc. Et après le coup de cœur d'Émile, on va du côté de Oscar Moya. Mm-hmm. Alors oui. Toi, ton coup de cœur pour donc philosophie populaire. Oui, ah ben, en fait, j'ai deux bouquins à présenter. Le premier de Michel Tournier, Le miroir des idées, un bouquin qui date quand même. Il fut publié dans les années 70, fin des années 70, 79 pour ce bouquin chez Gallimard. Et l'autre, un bouquin récent d'Antoine Compagnon, Un été avec Montaigne. Alors, le premier, donc celui de Michel Tournier, est intéressant. Ce sont des courts textes. Fait en 2-3 pages, hein, je crois. Hein, chaque texte, ça ne dépasse pas 3 pages. Okay. Chaque texte. Pas le livre. Le livre n'a pas 3 pages, quand même. Oui. Le livre doit avoir. C'est le miroir avoir, c'est ça. Donc, c'est toujours des paires de concepts. Tout à fait, effectivement. Le mot et le signe, ça me dit quelque oui, chose. Oui, le mot et le signe. Et le signe et l'image, plutôt. Le signe et l'image. Okay. C'est ça. Michel Tournier se dit, et c'est un pari intéressant, il dit on comprend mieux en comparant. Et on comprend encore mieux quand on compare deux contraires. On voit la réalité mieux. Bonjour Héraclite. Hein, oui, absolument, le fond de la réalité, tout hein, à fait. C'est un jeu de combat de contraires. Ben, c'est ça. Donc la vie se comprend mieux par ses antagonismes, par ses antinomies. Hein. Et évidemment, il en fait. Je pense en fait entre 40 et 50, je me souviens pas exactement le nombre exact, mais il y en a beaucoup et quelques-unes sont délicieuses. Alors il y en a des très sérieuses, par exemple l'amour et l'amitié, tu as parlé tantôt, le signe et l'image, le talent et le génie, enfin il y en a un certain nombre comme ça, mais il y en a quelques-unes qui sont un peu plus intéressantes, la fourchette et la cuillère par exemple, le cheval et le taureau. Alors le chat et le chien. Mais là, on est toujours en philosophie. Ah oui. C'est quand même philosophique, mais c'est étonnant. Il faut savoir en fait que Tournier s'inspire beaucoup d'un penseur. Ce n'est pas un philosophe nécessairement, mais qu'il trouvait intéressant en fait par la tournure de ses pensées, en fait par sa façon de penser les choses. C'était Goethe. Il s'intéressait beaucoup à Goethe. Il s'est intéressé, en fait, notamment à sa théorie du goût, des sens. Et donc, il introduit parfois Tournier, qui, on sait, c'est un philosophe quand même. Hein? Oui, il faut aussi rappeler que Michel Tournier est l'auteur de au moins de deux grands romans que tout sont Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, Le Roi des Aunes et bien d'autres. Mais oui. Tout à fait. Mais il a une formation en philosophie. Effectivement. C'est un philosophe dans l'âme. Par la force des choses, il a dû faire de la littérature. Mais c'est quand même ça. Il demeure un philosophe et on sent donc l'esprit philosophique. Alors, très intéressant. Je vous dis, ça se lit très, très bien dans l'autobus. Quand on a quelques minutes et la réflexion nous accompagne pour une bonne partie de la journée. C'est très bien. Des petites bouchées, mais des bouchées nourrissantes. Okay. Quand même, je vous le dis, nourrissantes. Alors, puis l'autre, le bouquin d'Antoine Compagnon, Un été avec Montaigne, mm-hmm. c'est la transcription d'une série d'émissions. C'est intéressant, hein? d'une série d'émissions radiophoniques hein, qui ont passé à France Inter diffusées à France Inter pendant l'été 2012. Alors, et ça se voulait léger et nourrissant, un peu comme ce qu'on disait tantôt de Michel Tournier. Très intéressant. Alors, Michel Compagnon, donc, est un spécialiste. Dans ce livre, c'est un spécialiste au Collège de France et à Columbia, hein, donc Columbia University. Alors, il est question de beaucoup de sujets. Et donc, il est question, par exemple, du médecin, de la nécessité d'avoir un médecin. Il est question du Nouveau Monde, les Indiens, les Amérindiens, en fait. Hein, donc, bien sûr que c'est... De prédilection qu'on retrouve aussi chez Montaigne. Et actualisé par Compagnon. Alors, oui. Il a fait un choix de thème. Et il disait, en fait, ça, c'est tout un défi. hein, de choisir des thèmes chez Montaigne, puis de les présenter avec une certaine profondeur, sans nécessairement rentrer trop dans les détails. Alors, il y a des choses absolument très intéressantes. Le moment où, c'est-à-dire par exemple, Montaigne qui perd une dent, hein, il a une dent, qui, puis là, il se met à réfléchir sur la mort. Hein, ah, tiens. Sur la mort. Alors il dit j'espère que la mort, par exemple, va arriver un peu comme cette dent, parce qu'il perd la dent puis sans aucune sensation. Il dit, écoutez, la dent devait être très pourrie. Il dit, si je fais une sorte de déduction, peut-être que la mort, enfin en vieillissant, me viendra sans douleur. Je l'espère. Hein? Je l'espère que ce sera comme cette dent qui vient de tomber. Ah, des réflexions intéressantes. Après Platon, Montaigne a répété la fameuse phrase, philosopher, c'est apprendre à mourir. Apprendre alors, à mourir. À partir tout de la perte d'une dent. Voilà. Bon, voilà. Okay, oui, tout est prétexte à philosopher. Tout à fait. Enfin, mais c'est toujours, compagnon ne fait pas, disons, l'économie des difficultés quand même, même si c'est des courts passages. Ici, on est encore dans le 3-4 pages par thème, par chapitre, mais il ne fait pas l'économie des difficultés. Il dit, par exemple, il mentionne ici que sa position à l'égard de la mort a changé, en fait, dans les essais. Il tient compte de ça. Alors, c'est quand même intéressant. C'est une lecture qui devrait nous mener à Montaigne, le vrai, c'est-à-dire le texte, oui, de Montaigne, mais les c'est essais, une très très bonne introduction pour celui qui souhaite en fait commencer, s'initier. Voilà. Bon, donc ça peut être tout le monde peut lire ça là. Tout ah le monde oui. peut lire absolument, absolument. Oui, Et c'est très intéressant. J'ai fait lire ça à quelqu'un, un ami dernièrement, qui n'est pas philosophe, et il m'a demandé le oui. livre. Alors, je lui ai dit que j'en avais besoin pour l'émission. Alors, auditeurs, auditrices, on ouais, va c'est... tout mettre ça, les références ouais, aussi, sur la page Facebook des bouquins d'abord. Alors, on fait une petite pause musicale et ensuite, c'est à mon tour de vous parler de mes deux petits coups de cœur. On va continuer notre émission Les bouquins d'abord, spéciale philosophie, et c'est à mon tour de vous parler d'un petit coup de cœur de philosophie populaire. Et là, j'avoue, je ne pêche pas par grande originalité. Je veux glisser un mot sur le fameux livre roman Le monde de Sophie, hein, de l'auteur norvégien Jostein Gaarder. Alors, c'est un écrit. Alors, il l'a écrit en 1991 déjà, et c'est paru au Seuil en français en 1995. Et puis, c'est un livre qui a été, mais un grand, grand succès. C'est incroyable. Mm-hmm. L'auteur est professeur de philosophie, ou l'était à l'époque, dans un lycée, enfin, ou l'équivalent, et avait à cœur de faire comprendre ce qu'il faisait à tout le monde. Alors, il s'est lancé dans cette aventure-là. Et écoutez, ça a été traduit en 54 langues. Mm-hmm. Et j'ai lu, je sais pas, j'espère que mes chiffres sont exacts. On aurait écoulé autour de 25 millions d'exemplaires. Ah oui, c'est remarquable pour un ouvrage de philosophie. Oui, hein, je crois. Oui, à la fois roman, et quand même toute l'histoire de la philosophie, une grande part de l'histoire de la philosophie s'y retrouve. Je crois en Allemagne seulement, c'est 1 million d'exemplaires vendus. Alors, qu'est-ce que c'est en gros? Alors, il faut savoir ici, j'ai deux professeurs de philosophie devant moi. C'est pas à eux que je vais te demander, Sophie, pourquoi le personnage s'appelle-t-il Sophie? Sophia, le mot auditeur, auditrice, je vous entends à peine. Oui, vous êtes là à la maison en train de me dire que signifie en français Sophia, grec, ça signifie la sagesse. Alors, c'est pas un hasard si le roman s'intitule Le monde de Sophie, qui est une adolescente qui aura bientôt 15 ans et elle reçoit des lettres chez elle. Et il y a parfois, au début, c'est très bref. Qui es-tu? Ensuite, d'où vient le monde? Et les lettres sont signées par un mystérieux Alberto Knox. Et dans ces lettres, elle va les recevoir régulièrement. Et ce Knox va introduire Sophie à l'histoire des idées, des philosophes, des penseurs, des intellectuels, des grandes époques. Et tout y est, là. Mais vraiment, ça débute avec le Jardin d'Éden. On passe par les mythes. On explique la différence entre les mythes et le discours des premiers philosophes. Tu faisais allusion tout à l'heure à Parménide. La raison, les philosophes, la nature, Démocrite, le destin, Socrate, Athènes, Platon, l'hellénisme aussi. La Renaissance, le Moyen-Âge, les différentes cultures, c'est vraiment bien expliqué. Et dans le roman, alors tout ce qui est en caractère gras, ce sont, disons, les passages plus philosophiques. Et ensuite, on revient au roman comme tel. Et il y a même un index des concepts à la fin. Alors on voit ici aliénation, allégorie de la caverne, alliance, amour, c'est un ouvrage qu'on peut ensuite consulter. Je sais qu'il y a des professeurs de philosophie dans les cégeps qui font acheter aussi ce livre, qui est disponible en poche également. Il n'y a pas un mot sur Machiavel. Je ne sais pas si c'est un oubli ou l'auteur voulait le laisser du côté de la politique. Mais ce qui explique le succès de ce livre-là, ce n'est pas uniquement son contenu philosophique. Et on le sait, nous, il y a quand même des histoires de la philosophie assez intéressantes qui ont été faites. C'est en plus, c'est que l'histoire de Sophie n'est pas banale. Il y a aussi une autre fille du même âge que Sophie qui s'appelle Hilde et un autre personnage qu'Alberto Knox. Et ces personnages-là, tout à coup, vont... Il y aura des interactions entre ces personnages-là. Et je ne peux pas en dire plus, mais vraiment, je ne suis pas un spécialiste de la littérature, mais ce qui se passe avec ces personnages-là, tout à coup, mais c'est vraiment particulier. Si bien qu'à un moment donné, comme lecteur, lectrice, on est là, puis à la fois, oui, on lit les passages philosophiques, mais on veut vraiment savoir ce qui se passe avec Sophie, là. C'est ce qui fait qu'on avance dans l'ouvrage. Je me suis laissé dire qu'il y avait des gens, qui aimaient plus ou moins la philosophie et qui, à la lecture de ça, ont fait la paix avec leurs cours de philosophie parfois un peu ardus. Et c'est sûr que c'est un roman qui a peut-être mal vieilli parce qu'aujourd'hui, qui reçoit encore des lettres? À l'époque des textos et tout. Et il paraît qu'il y a même un film norvégien fait sur le monde de Sophie. Et si notre metteur en ondes, M. Dogard, me le permet, je glisserai aussi un petit mot sur la collection « Quand la philosophie fait pop » des presses de l'Université Laval. C'est une collection dirigée par Normand Baillargeon et Christian Boissineau. Que j'avais invité aussi à venir ce soir, mais pour des raisons professionnelles de professeur de philosophie, il ne pouvait pas venir. Alors, j'ai apporté ici un exemplaire. Il y a eu ce qu'écoute Platon dans son iPod. Ça, c'est un spécial sur la musique. Il y a eu aussi un spécial sur la dureté du mental. Sur le sport. Sur le sport. Sur le hockey, surtout. Sur le hockey, oui, surtout. C'est ça. Et moi, j'ai apporté mon exemplaire de « Je pense, donc je ris, humour et philosophie ». C'est pas pour rien, parce qu'il y a un petit écrit de moi aussi là-dedans. J'essaie de retrouver le titre. Ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, il y a de la philosophie dans l'humour. Alors, on retrouve cette collection au pull. Eh bien, voilà. Alors, est-ce qu'on fait déjà notre tour de table, monsieur le metteur en onde, ou bien. Très bien. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Et puis, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore sur l'aspect, la philosophie et son aspect populaire des cafés philosophiques? Il y a aussi, dans le Vieux Longueuil, la Compagnie des philosophes qui, chaque semaine, organise des rencontres, des projections de films. Ici, à l'Université Laval, il y a la philosophie dans le monde actuel. Alors, il y a différentes manifestations. Il existe même des BD philosophiques. Alors, j'ai ça ici en anglais, là, Action Philosophers. Alors, c'est quand même assez rigolo de consulter ces ouvrages. Oui, ben en fait, donc il faut dire que, pour reprendre l'idée de départ, oui. que la philosophie populaire n'est pas banale. Hein? Il y a quand même de la philosophie dans la philosophie populaire. Hein? Donc, oui. C'est pas une perte de temps. Oui, oui. C'est pas une perte de temps. C'est même très intéressant. Et ça peut nous mener, ben, qui sait, vers d'autres lectures. Vers d'autres lectures, ouais, c'est ça. Alors. Émile, alors tu nous as parlé aujourd'hui tu nous rappelles les ouvrages qui t'ont inspiré aujourd'hui. Michel Onfray, Rendre la raison populaire, Librio Essai, c'est un livre bon marché, ça coûte $5. Ah tiens, oui. Simon ou Simon Blackburn, Penser, une irrésistible introduction à la philosophie, c'est un livre paru chez Flammarion, collection Champs Essai. Il y a une autre édition plus luxueuse, disons. Et je voudrais signaler juste quelques numéros des sciences humaines consacrés à la philosophie, des hors-séries, la philosophie en quatre questions, de la pensée en Amérique, à quoi pensent les philosophes. Et, à quoi pensent les philosophes? Oui. Et le dernier numéro, L'art de penser, 15 philosophes au banc d'essai. De ton côté, alors, Oscar? Bon, c'était donc, moi j'avais de Tournier, Michel Tournier, Le miroir des idées, édité chez Folio Gallimard. Et donc, aussi le bouquin d'Antoine Compagnon, Un été avec Montaigne, édité chez Équateur Parallèle. De mon côté, je vous ai parlé du monde de Sophie, de M. Gardner et de la collection Quand la philosophie fait pop. La semaine prochaine, Bervel Ranka est de retour au micro avec un spécial Marguerite Duras. Je remercie beaucoup notre metteur en onde, Gerrit Dogger, et restez à l'écoute pour l'émission Les Bâtards. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. La Manif d'Art 7